suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, voyage en agnotologie, pays de la science et de l'ignorance, une série de Franck Cuvelier réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a la stupéfaction toujours renouvelée que parfois on nous ment ou qu'on nous enfume sur les dangers de la cigarette, les effets des néonicotinoïdes ou les tests effectués sur les moteurs diesel. Et qu'heureusement, souvent, il y a quelqu'un, d'un peu trop seul au départ, qui le fait savoir et n'oublie pas ce que peut produire l'appât du gain. Et puis il y a la religion de la science ou au contraire ceux qui voient des mensonges et des complots partout et qui eux aussi sèment le doute. Et puis parfois, il y a qu'on oublie, ou pire, qu'on préfère ne pas savoir, comme l'autruche qui dort en chacun d'entre nous. Mais comme souvent, il faut aussi se poser la question de l'argent. Alors pour commencer, les personnages. Un mathématicien, un temps au service de la finance et désormais repenti, un neurologue face aux prises de décision, des dépressifs réalistes, des optimistes dans l'erreur mais plein d'entrain, des couples de bienfaiteurs ambigus et une chercheuse en embuscade. Ensuite, le décor. De l'amiante, des profits, les 30 glorieuses, la grève, le capital, l'économie érigée en science, des cerveaux, des ONG, du microcrédit inutile, l'amnésie, des écrans de fumée, la Silicon Valley et le solutionnisme. Aujourd'hui, dernier épisode, quand on pense que Strabon, au 1er siècle avant Jésus-Christ, avait déjà constaté les dangers de l'amiante pour les ouvriers. La présence de l'amiante dans la construction présente-t-elle un danger pour l'usager? Divers groupements de défense s'en sont inquiétés récemment. C'est pour protéger les poutres métalliques contre l'échauffement en cas d'incendie que les normes de sécurité imposent l'application de revêtements isolants. Pendant longtemps, l'amiante a été utilisé. Or, depuis quelques années, les chercheurs s'inquiètent des conséquences de la diffusion des fibres d'amiante dans l'atmosphère. Dans les usines de traitement, par exemple, on doit lutter contre une maladie professionnelle des voies respiratoires. Mais il semble de plus que dans certains cas, la présence à forte concentration de fibres d'amiante peut contribuer à créer des terrains propices à certains cancers. Il est certain que ces fortes concentrations se retrouvent rarement dans la vie courante. Il n'en est pas moins vrai que face à un produit suspect, il importe d'être vigilant. Il est donc incompréhensible que soit utilisé dans le bâtiment la méthode appelée flocage mou qui laisse au revêtement la possibilité de se désagréger par frottement, parfois même sous la simple influence de courants d'air. La justice se débrouille très bien avec les relations interpersonnelles. Je veux dire, Jean-Paul Tessonnier. X tue Y d'un coup de poignard. Ça, on voit bien de quelle manière on peut traiter ça. Lorsqu'on a 100 000 morts en 30 ans, et des centaines de responsables potentiels, un lobby qui a organisé la désinformation, là, la justice ne sait pas faire avec ça. Tout cela obéit à des calculs de rentabilité. Moi, j'avais été frappé parce que des avocats américains étaient venus expliquer, dans une conférence donnée, je crois, dans le cadre de la Cour de cassation, de quelle manière les industriels américains, mis devant l'évidence de la catastrophe sociale et sanitaire qui était la conséquence de l'utilisation de l'amiante, ont fait des calculs. Ils ont calculé combien leur coûtera l'indemnisation des victimes, d'un côté, et elle coûte d'autant moins cher qu'on conteste par tous les moyens l'existence d'un lien de causalité, et quels seraient les bénéfices en cas de poursuite de l'activité. Le calcul a démontré que les bénéfices étaient très largement supérieurs au coût de l'indemnisation, même en incluant le coût de l'indemnisation. Et donc, ils ont décidé de continuer. Et donc, la catastrophe s'est poursuivie. En gros, cette théorie-là consiste à dire que l'indemnisation des victimes, alors j'appelle ça le marché de l'indemnisation, serait capable de réguler le risque. Après tout, voilà, on le dit, on n'a pas besoin de ces instruments archaïques que constitue le droit pénal. Simplement, l'indemnisation sera fixée à un niveau tel que le niveau d'indemnisation va dissuader les chefs d'entreprise d'utiliser des matériaux à risque. Et au contraire, je dirais, le calcul de l'indemnisation incite les chefs d'entreprise à poursuivre dans la voie du risque. Madame André Léonard, vous avez travaillé combien de temps dans cette usine ? 30 ans. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier? Voltigeuse, je faisais tout, quoi. Aujourd'hui, la santé? Ben, ça va pas très bien. Pourquoi? J'ai toujours des étouffements et je suis toujours essoufflée. Je peux pas monter de poids lourd et je peux pas faire des longues marches car je suis très essoufflée et ça me fait mal au cœur. Ça fait combien de temps que vous souffrez d'asbestose? Ça fait à peu près 7 ans. Et étant toute seule, je suis obligée quand même de travailler. Aujourd'hui, vous êtes au chômage? Et aujourd'hui, je suis au chômage. Alors, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu la santé et j'ai perdu mon emploi. Et maintenant, je me demande ce que je vais devenir. Tant que les industriels et surtout les membres du lobby de l'amiante n'auront pas été pénalement condamnés, peu importe le montant de la condamnation, mais symboliquement, eh bien, on pourra penser, et je crois que certains d'entre eux le pensent toujours à l'heure actuelle, que ce qu'ils ont fait n'était pas interdit. Et si ce qu'ils ont fait n'était pas interdit, on peut craindre pour l'avenir. Donc je pense qu'il est tout à fait essentiel, cette bataille sur le pénal, qui est une bataille symbolique. Les victimes sont aujourd'hui indemnisées. Mais cette bataille symbolique est absolument essentielle, je dirais, pour l'avenir de la façon que nous avons, travailleurs et chefs d'entreprise, à vivre ensemble dans une entreprise. Financer la science, récolter l'ignorance. Franck Cuvelier, Rafik Zénine. Combien coûte l'ignorance à ceux qui la subissent? Combien rapporte-t-elle à ceux qui la propagent? Est-ce que produire de l'ignorance est un bon placement? Qu'espèrent les philanthropes, toujours plus nombreux, en retour de leurs investissements toujours plus massifs dans la science d'aujourd'hui? Et le monde financier lui-même, ses agents, ces théoriciens, ne sont-ils pas tantôt victimes, tantôt responsables d'aveuglement, de croyances, de falsification des risques, bref, d'ignorance économique? Quant à notre psychisme, garde-t-il toute sa raison dès qu'il est question d'argent, de pari, de gain? Argent et ignorance font-ils bon ménage? À qui de mieux qu'un économiste poser la question? Un économiste, mais pas choisi au hasard. Gaël Giraud, nous, ce qui nous intéresse en vous rencontrant, c'est de rencontrer quelqu'un qui, à la fois, est un mathématicien de formation, qui a été trader. Non, j'ai été quant, c'est-à-dire le mathématicien qui fait des maths pour les traders. Mon frère était trader, moi j'ai été sur les marchés financiers, mais je n'ai jamais fait de deal, jamais fait une opération financière. Je faisais des calculs et des modèles pour les traders, des modèles scientifiques. Si vous voulez, quant, c'est l'abrégé pour dire quantitative engineer ou quantitative counselor. Donc j'étais conseiller scientifique pour les banques d'investissement, les banques privées. Donc ça veut dire que vous étiez au... Voilà, un peu vous quelques... étiez au cœur de la machine financière. Alors... Oui, puisqu'en 2003-2004, en fait, j'ai averti ma hiérarchie dans la banque pour laquelle je travaillais, dont je ne donnerai pas le nom, en disant, mais vous voyez bien que ce qu'on appelle des CDO, les Collateralized Debt Obligations, qui sont... l'objet financier qui a explosé en 2007 dans la crise des subprimes, j'ai dit, vous voyez bien que vous êtes incapable de calculer le risque associé au CDO, pour des questions techniques dans le détail duquel je peux rentrer si vous voulez, mais ça c'est pas forcément le lieu ici. Et on m'a répondu, mais tu vois bien qu'on gagne tellement d'argent, pourquoi tu veux pas faire la fête avec nous? Donc oui, j'étais bien au cœur de la machine juste avant 2007, quoi. Ben justement, la question qui nous amène, elle est là. Vous êtes donc quant et vous êtes maintenant à l'Agence française du développement, qui est une banque qui cherche à aider le développement des pays du Sud. Donc si on considère que les sciences sociales, finalement, ce sont des sciences qui fournissent des outils qui vont permettre à la gouvernance économique de bien fonctionner, comment expliquer que malgré ces connaissances scientifique, ouais, économique, on soit face à des inégalités énormes, mmh, on soit face à une crise de subprime qu'on n'arrive pas à entraver, mmh, qu'il y ait des bulles Internet, qu'il y ait une crise incroyablement sauvage en Grèce. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas des mécanismes d'ignorance dans, mmh, les sciences économiques et dans ceux qui les utilisent, qui fassent que, eh bien, on ne puisse pas empêcher Gaël Giraud ces accidents majeurs qui ont des conséquences quand même, mmh, sur les gens. On peut essayer de remonter dans le très long terme. Alors, je peux donner plusieurs étages d'explication. Je crois qu'il y a un premier étage d'explication qui est le tournant qui a affecté l'ensemble des sociétés occidentales dans les années 70-80, avec une espèce de tentative de reprise de pouvoir de la part d'une petite élite économique et financière qui a voulu tourner la page des Trente Glorieuses. Les Trente Glorieuses, c'est quand même une période assez fascinante de vraie redistribution des richesses, donc de réduction des inégalités, de massification de la consommation, d'accès pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, en Europe de l'Ouest, aux États-Unis, au Japon, la télévision, la machine à laver, etc. Donc une période assez inouïe qu'on peut analyser de la manière suivante. En fait, on a vécu avec la technologie du pétrole, mais avec des institutions qui étaient associées au charbon. Parce que le charbon, tout au long du 19e, c'est la grande énergie fossile du 19e. Mais c'est une énergie fossile, en fait, qui est assez favorable, in fine, aux salariés. Pourquoi ? Parce que les ouvriers qui travaillent dans la mine de charbon peuvent bloquer la mine. Et comme le charbon est très difficile à transporter, si la mine est bloquée, la ville qui est alimentée par le charbon n'a plus d'électricité. Et donc, vous avez un pouvoir de négociation énorme avec le charbon. En revanche, avec le pétrole, si vous bloquez une plateforme de forage, le pétrole étant trivial à transporter, la grande ville qui dépend de ce pétrole-là pourra se faire alimenter par du pétrole qui viendra d'ailleurs. Donc le pétrole, la société du pétrole a fait perdre aux salariés le pouvoir de négociation qu'ils avaient conquis, de haute lutte évidemment, hein, dans la sueur et les larmes, pendant tout le 19e. Et puis, dans les années 80, les institutions se sont adaptées. Les élites économiques et financières ont compris qu'elles, grâce au pétrole, elles avaient de nouveau un pouvoir de négo très fort. Donc ça, c'est typique avec Thatcher, hein. La manière dont Margaret Thatcher brise les grèves en Grande-Bretagne, c'est la fin de la négociation dure qui se termine par la victoire des grévistes. Et ça se termine par la victoire du gouvernement et d'un gouvernement qui est très favorable au patronat. Donc ça, c'est très très symptomatique de ce basculement des années 70-80. Et du coup, à partir des années 70-80, vous avez ce renversement où les inégalités recommencent à augmenter partout, les États recommencent à s'endetter. Dans le même temps, vous avez cette idéologie d'amenuisement et de réduction des pouvoirs de l'État qu'on appelle rapidement néolibéral, mais qui, en fait, de mon point de vue, est post-libéral, qui est en rupture avec le libéralisme du XVIIIe siècle, et qui consiste à soumettre le droit, l'état de droit, les droits de l'homme, la démocratie, l'activité politique, la sphère publique, à, disons, une espèce de, entre guillemets, nature économique complètement fantasmée. Et c'est là que la question de l'ignorance scientifique entre en jeu. Parce que, pour légitimer l'assujettissement du droit et de la négociation politique, dont la démocratie est le lieu, pour l'assujettir, disons, à une logique économique, il faut avoir une logique économique qui fonctionne comme la physique. Donc il faut avoir naturalisé la société et l'économie en disant les lois de l'économie sont aussi certaines que les lois de la relativité, donc vous ne pouvez pas les négocier, c'est non négociable, et elles s'imposent à vous. Et elles exigent, par exemple, une réduction des dépenses publiques parce qu'on ne peut pas faire autrement. There is no alternative, c'est le fameux TINA de Thatcher. Je ne sais pas, vous m'appelez là comme ça, je ne vous connais pas. Je suis bien d'accord avec vous, vous ne me connaissez pas et moi non plus. On peut prendre un moment pour se présenter. Je m'appelle Holden Kopfarber. Robbie Feinberg. Chester Meigh. Je suis le vice-président de Stratton Oakmont. Et je vais très vite me placer comme le premier des courtiers de ma boîte l'an prochain. On n'arrive pas à ce niveau en perdant de l'argent, Stanley. Je comprends parfaitement, je vous remercie. Vous avez l'air d'être quelqu'un de très sincère. Ça ne nous rendra pas riches et ça ne nous rendra pas pauvres, mais ce genre de transaction va nous servir à... Prendre nos marques pour de futures opérations, Kevin. Vous êtes plus à l'aise maintenant, Scott. De cette façon, vous serez sûr que vous avez enfin trouvé un courtier à Wall Street en qui avoir confiance et qui vous fera gagner de l'argent de toutes les manières. Ça vous semble juste ? Alors, du côté des universités et des laboratoires de recherche en économie, vous avez eu une prise de pouvoir dans les années 70 par ce qu'on appelle les néoclassiques. C'est-à-dire toute une branche de l'économie qui arrive avec des modèles qui sont très très largement fictionnels, qui arrive à mettre dehors la grande école keynésienne qui avait eu le pouvoir pendant les Trente Glorieuses, avec une espèce de révolution conservatrice de droite qui n'a aucun fondement scientifique. Donc c'est des modèles qui sont ceux sur lesquels on vit encore aujourd'hui, en grande partie, hein, qui, quand je raconte ça à des scientifiques non économistes, des physiciens, des biologistes, donc ils rigolent, ils tombent par terre. C'est des modèles dans lesquels on suppose, a priori, par exemple, que tous les ménages anticipent parfaitement l'évolution de tous les prix jusqu'à la fin des temps. Ce qui est évidemment complètement... Enfin, c'est un conte à dormir debout. Mais on trouve des grandes écoles en France, à Paris, où on enseigne ça avec le plus grand sérieux et on explique aux étudiants que s'ils font des modèles dans lesquels il n'y a pas cette hypothèse, qu'on a baptisé entre-temps hypothèse d'anticipation rationnelle, pour faire bien, alors leur modèle est non scientifique. Alors, donc c'est ça qui est extraordinaire dans les départements d'économie, c'est qu'on raconte des contes de fées avec le plus grand sérieux et sous l'apparence de la scientificité. Alors, la question qu'on peut se poser, qui est la vôtre au fond, c'est pourquoi est-ce qu'on maintient ces contes de fées, ces balivernes ? À qui ça profite ? À qui profite le crime ? Alors là, il y a plusieurs éléments de réponse. Il n'y a pas un complot sur l'île de Man où un petit groupe de hedge funds se dirait on va falsifier l'économie pour pouvoir prendre le pouvoir sur la planète. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a plein d'intérêts plus ou moins convergents qui concourent à ce qu'on maintienne une science économique qui raconte beaucoup de bêtises. L'un de ces intérêts, c'est évidemment le développement de la sphère financière. Et du coup, on invente toute une rhétorique complètement bidon sur la flexibilité des taux de change, l'efficience des marchés d'échange, etc. Tout ça participe du même objectif qui est une reprise du pouvoir, si vous voulez, par des élites économiques et financières. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que même l'économie la plus orthodoxe, la plus néoclassique, et d'une certaine manière, on pourrait dire en anglais « self-defeating », puisqu'elle prouve que tout ça est faux. Alors, comment est-ce qu'elle l'a fait? Il y a eu deux économistes grecs, ce qui est une ironie par rapport à ce qui se passe en Grèce aujourd'hui, deux économistes grecs qui, à l'époque, étaient aux États-Unis, qui démontrent que les marchés financiers sont toujours très inefficaces. Mais, et ce n'est pas une théorie marxiste du tout, c'est à l'intérieur de la théorie néoclassique la plus orthodoxe. Donc ça, c'est un résultat destructeur pour l'idéologie pro-marché. Mais ça n'est jamais enseigné non plus. Ce qui est amusant, c'est que ça, c'est un résultat qui date de 86, c'est pile l'époque où, dans les business schools, on raconte à des générations d'étudiants que les marchés sont efficients et que la main invisible marche très bien et que, par exemple, pour une entreprise, s'endetter ou lever du capital, c'est la même chose, etc. Évidemment, c'est très favorable à une toute petite poignée d'individus qui sont ceux qui bénéficient des marchés financiers. Une maladie se répand dans votre ville. Deux vaccins sont disponibles. L'un est certain de sauver 200 vies, mais pas une de plus. Tandis que l'autre vaccin a une chance sur 3 de sauver 600 vies et 2 chances sur 3 de n'en sauver aucune. Vous êtes responsable du choix du vaccin qui sera distribué. Lequel choisissez-vous ? Imaginez maintenant l'arrivée d'une nouvelle maladie. 2 autres vaccins sont disponibles. Avec le premier, il est certain que 400 personnes mourront. Avec le second, il y a 1 chance sur 3 que personne ne meure et 2 chances sur 3 que 600 personnes meurent. Lequel choisissez-vous ? Les résultats expérimentaux montrent que les personnes placées devant le premier scénario préfèrent très majoritairement l'option la moins incertaine, la certitude de sauver 200 vies. Ceux placés devant le second scénario préfèrent l'option la plus incertaine, possibilité de sauver 600 vies. Or, ces 2 scénarios sont logiquement équivalents et n'offrent ni plus ni moins de chances de sauver des vies. Seule, leur présentation diffère. Mais alors, qu'est-ce qui nous pousse à choisir dans un cas le moindre risque et dans l'autre la moindre chance ? À suivre nos intuitions et ignorer les faits. Retour à Paris, à l'Institut de la moelle et du cerveau. Qu'est-ce que je vais gagner ou perdre à prendre telle ou telle décision ? Et dans le monde économique aujourd'hui, on prend des décisions personnelles dans notre petite économie familiale, mais on prend aussi des décisions à des niveaux de responsabilité plus grands. On a des comportements vis-à-vis du gain et de la perte dans lesquels peut-être il y aurait des mécanismes d'ignorance qui fausseraient notre façon d'utiliser nos compétences et nos connaissances. Alors est-ce que le cerveau, en matière d'économie, Mathias Pesseglione, est-ce que ce cerveau dont nous disposons nous conduit à des conduites d'ignorance ? La réponse courte, c'est oui. Ce que j'ai envie de dire, c'est oui. Il y a plusieurs biais qui ont été décrits dans la prise de décision. Et on commence tout juste à les étudier d'un point de vue neurosciences, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi le cerveau se comporte comme ça. Et si on fait, j'essaie de retracer un petit peu l'histoire, ça nous vient en fait la connaissance de ces biais essentiellement des économistes qui n'étaient pas satisfaits des théories de la décision. Alors en fait, dans la théorie de la décision, il y a un certain nombre d'axiomes qui définissent la rationalité. Par exemple, on suppose que les préférences sont stables. Donc si je préfère A à B à un moment donné, je dois aussi préférer A à B plus tard. On suppose que, je vous donne un autre exemple, hein, que les préférences sont transitives. Donc si je préfère A à B et B à C, alors par définition, je te préférerais A à C. Donc ils ont cette théorie, ils ont ces axiomes, et ils se rendent compte que l'homo sapiens, pas l'homo economicus, ne se comporte pas comme attendu. Et donc il y a, à partir de là, beaucoup de recherches sur ce qu'on a appelé les violations de la rationalité, qui doit être un anglicisme. On a cherché à complexifier les théories pour qu'elles puissent rendre compte de comportements plus bizarres, contextes dépendants, instables. Et puis au bout d'un moment, certains économistes se sont dit « il y a peut-être quelque chose à comprendre dans l'architecture fonctionnelle du cerveau ». Et l'idée maîtresse à ce moment-là, c'est de se dire « en fait, le cerveau a évolué pour répondre à un certain nombre de problèmes dans un environnement particulier, celui de... C'est un peu fantasmé de dire ça, mais l'environnement ancestral dans lequel la sélection naturelle a opéré, qui n'est plus du tout le même environnement que celui du monde économique contemporain. Donc le cerveau est adapté en fait à ce cas général-là, il prend des bonnes décisions en général, en moyenne, mais il peut se faire piéger dans certaines situations un peu artificielles du monde financier maintenant. Donc on essaie de comprendre les heuristiques ou les biais qui ont été mis en place, qui sont globalement adaptés, mais qui peuvent produire localement des déviations à la rationalité. C'est comme ça qu'on arrive en neurosciences. Les études en neurosciences de la décision ont commencé par s'intéresser au concept de valeur. Un des premiers objectifs, c'était d'essayer d'identifier dans le cerveau quelle pouvait être la représentation des valeurs. Il y a un nombre très limité en fait, de régions cérébrales. Pour en mentionner une, ce serait le cortex orbitofrontal médian, donc au milieu du cerveau, derrière le front, dont l'activité est d'autant plus importante que une option donnée dans un choix nous plaît. Donc plus ça me plaît, plus ça s'active. Donc on a une région des valeurs, en quelque sorte, dans le cerveau. Maintenant la question, c'est la représentation de l'autre grandeur, les probabilités. Et il se trouve qu'il y a un large recouvrement dans le cerveau entre la représentation des valeurs et celle des probabilités. C'est un petit peu comme si... le cerveau calculait directement une espérance et qu'il ait du mal à distinguer ce qui tient à la valeur et ce qui tient à la probabilité. Donc on a une impression agréable ou désagréable, mais on fait facilement une erreur d'attribution. Est-ce que cette impression agréable vient du fait que la chose est probable ou vient du fait que la chose est désirable ou qu'elle me ferait plaisir? Imaginez que vous jouez aux fléchettes et je vous demande d'estimer la probabilité de mettre dans le mille. Si maintenant il y a un enjeu important parce que on a fait un pari et celui qui perd paye le resto, et que je vous demande quelle est la probabilité que vous allez mettre dans la cible le prochain coup, vous allez me dire beaucoup plus que 50%. Mais s'il y a moins d'enjeux, vous allez me dire beaucoup moins. Donc en fait, selon l'enjeu, on va varier notre estimation de notre propre performance. Comment on explique ça ? C'est que on fait simplement une erreur de lecture. Donc on n'a pas la bonne représentation dans le cerveau. On a une estimation qui est une estimation brouillée, en fait, en quelque sorte, qui combine les probabilités et les valeurs. Quand je dois prendre une décision, quand je dois donner un jugement de valeur, cette représentation, elle peut être activée soit par les valeurs, soit par les probabilités. Mais après, quand je la lis, il y a en quelque sorte une amnésie de la source. Je ne sais plus qu'est-ce qui a contribué à cette impression agréable ou désagréable qui fonde ma décision. Thank you. comprends pas que les traders ou les acteurs du monde économique en général soient exempts de ce genre d'erreur, qui est à mon avis une propriété fondamentale du cerveau. Et puis je disais au début que les biais étaient en quelque sorte adaptés. On pense que c'est le cas aussi du biais d'optimisme. Ça permet d'entreprendre, par exemple, ça permet de se lancer dans des entreprises au long cours, dans des actions à long terme. Ça permet aussi de renvoyer une image de soi qui est moins stressante, donc c'est peut-être aussi bénéfique sur ce plan-là. Et quand on n'est pas susceptible à ce genre de biais, bien souvent on est déprimé. C'est ce qu'on appelle le réalisme dépressif. En fait, il a été montré que les gens qui sont déprimés, c'est-à-dire qui ont un diagnostic de dépression en psychiatrie, ont des jugements de valeur et de probabilité qui sont beaucoup plus exacts, moins déformés, que de la population normale. D'accord, donc mieux vaut avoir un ministre de l'économie dépressif qu'un optimiste guilleré et pétillant. Oui, mais le problème, c'est que ceux qui gagneraient dans la précision de son estimation des affaires, ils le perdraient en capacité à entreprendre et à agir. C'est le problème du déprimé, c'est que même s'il a une représentation peut-être plus exacte de la réalité, il est enclin à rester chez lui, à éviter les contacts sociaux, etc. Ça, ce sont les caractéristiques de la dépression. Donc non, je pense qu'au bilan, il faut mieux avoir un président qui n'est pas déprimé. Relax. We've got him in a box. Relax. Box. Beautiful. He took my guy and the girl. She's very beautiful. Yeah. Oh! Nous nous en doutions, mais maintenant nous ne pouvons plus l'ignorer. Notre cerveau est influençable, malléable, corruptible. Bref, ignorant compatible. Raison pour laquelle peut-être tant de nouveaux acteurs bâtissent des nouvelles fabriques de la connaissance. Dominique Pestre, vous dites que la recherche publique et privée non plus l'apanage de la production du savoir, qu'il y a maintenant des ONG, il y a maintenant des associations de patients, des syndicats, d'autres gens qui participent à la production des savoirs. Et est-ce que vous pouvez donner un petit peu plus de détails là-dessus et sur les effets en termes de production de connaissances ou production de mauvaises connaissances ou d'ignorance que ça peut apporter ? D'abord peut-être un petit point général, que l'historien est toujours un peu inquiet de ça, c'est pas une radicale nouveauté. Mais par contre, ça a pris une ampleur intéressante, et ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ça a pris cette ampleur. On pourrait commencer par ça. Quels sont les deux grands types d'institutions qui sont apparues dans les années 70, principalement, un peu avant, un peu après, qui se sont dites elles-mêmes productrices de savoir et qui ont mené des batailles pour les savoirs ? C'est d'un côté les think tanks conservateurs, libéraux, américains et anglais. Eux, quel est leur problème ? Il est de miner la certitude que l'état social est une bonne chose, que le keynésianisme est une bonne chose et qu'il faut repasser à des formes de marché libéralisé radicaux. Il faut revenir très profondément en arrière. Bon, si vous voulez gagner cette guerre, il faut que vous fabriquiez des savoirs et que vous vous fassiez entendre. C'est la fonction du think tank. Leur stratégie, elle est relativement simple. Elle est de mobiliser des scientifiques, c'est-à-dire des gens qui ont de la renommée, et de leur faire énoncer un certain nombre de thèses, à partir d'exemples, qui prouvent que, effectivement, si on s'appuyait sur des marchés, par exemple, ce serait beaucoup plus efficace, moins cher, Voilà. Et donc, on en a plein d'exemples. Ça peut être la santé publique. Vous prenez tout ce que vous pouvez. Et quel est l'autre grand type de groupe qui est apparu? Ce sont les ONG. Les ONG environnementales, principalement. Donc, on voit bien que la question de qu'est-ce qui fait l'efficacité sociale? Les marchés, l'État, la politique? Comment il faut régler le poids relatif de cela entre eux? C'est la question fondamentale. Il y en a qui veulent changer cet équilibre de façon profonde et militante. Et c'est une action organisée, stratégique. Et puis d'autre part, vous avez la question environnementale qui est en train d'exploser dans l'espace public. D'accord? Et pour laquelle des gens se font les porte-parole, entre guillemets, de cette nature abaissée, détruite, polluée, etc. Et c'est là que vous avez dans l'espace public des groupes qui se mettent à agir pour parler au nom de quelque chose, et qui est quelque chose qui n'est pas reconnu par les institutions en place, qui n'est pas vu comme un problème majeur par les institutions en place. Les institutions, elles ont leur savoir sur la question. Disons que vous preniez les écoles de commerce, que vous preniez les économistes, ils ont une manière de traiter la question qui ne donne pas la place que ces think tanks voudraient voir donner au marché, et réciproquement, les grandes activités scientifiques masquent plutôt qu'elles ne mettent en évidence les problèmes de pollution, elles ont tendance à les considérer, c'est pas si grave que ça, on a connu plus grave avant, et puis quand même, il y a de la radioactivité partout, nous le savons bien, il y en a dans les montagnes, c'est pas si grave que ça non plus, enfin voilà. Bon, et donc il faut fabriquer des contrepoids. Et ces contrepoids doivent reposer sur un savoir. Et comme elles rencontrent des institutions, c'est-à-dire le cœur des sciences officielles, on va dire, que ce soit la science économique, que ce soit la science physicienne, la science épidémiologique, etc., elles ont tendance, il faut qu'elles se constituent en puissance autonome et qu'elles se définissent comme productrices de savoir. Et l'enjeu est le savoir. D'accord? Et chacun va accuser l'autre de produire de l'ignorance. C'est là où ça apparaît, l'affaire de l'ignorance. Parce que la bataille, à ce moment-là, elle est massive, elle est claire, et elle est définie par la conjoncture qui est à la fois la contestation sur le rôle de l'État et du politique, et d'autre part, sur l'environnement et la santé publique. Les industriels du tabac ont inventé et produit de la contre-science afin de permettre à leur business de prospérer. Bien d'autres groupes d'intérêt les ont imités depuis, mais il est une nouvelle race de financeurs de la science non conventionnelle, au profil souvent semblable. Capitaines d'industrie d'abord, qui amassent une fortune fulgurante, puis en convertissent une part dans des fondations qui portent leur nom et celui de leur femme. Wendy et Eric Schmidt, patrons de Google, 200 millions pour la recherche océanographique. Edith et Ellie Broad, fortune de l'immobilier, 500 millions pour les maladies génétiques. Betty et Gordon Moore, patrons d'Intel, 850 millions pour les recherches en biologie, astronomie et écologie. Chan et Mark Zuckerberg, créateurs de Facebook, 2,5 milliards de dollars pour à peu près tout ce que les autres financent déjà. Mais le winner is la fondation Melinda et Bill Gates, dont la puissance de tir est évaluée à plus de 45 milliards. Tous ces philanthrocapitalistes semblent avoir un net penchant pour une science sentimentale, photogénique, média-compatible. En siphonnant des dizaines de chercheurs dans leur champ d'études sexy, une forme d'ignorance sélective n'est-elle pas à l'œuvre? C'est l'hypothèse travaillée par Lindsay McGoe, professeur en sociologie à l'Université d'Essex en Grande-Bretagne. Necessarily have a blanket or a general understanding of some of the new philanthrocapitalist actors. Vous n'aurez pas nécessairement une compréhension générale ou englobante des nouveaux acteurs philanthrocapitalistes et de leur influence sur la production de la connaissance ou de l'ignorance en science si vous n'examinez pas les idéologies politiques sous-jacentes et les objectifs politiques des différents philanthropes qui sont en train de prendre une place importante dans la conception des politiques publiques concernant les sciences de la vie et les investissements qui sont faits dans ce domaine. Le mot efficacité est utilisé en permanence par certains de ces nouveaux acteurs philanthropiques. qui suggère que nous devons adopter ce que l'on appelle une approche pro-marché ou fondée sur le marché pour les services publics. Car ils pensent que le fait de mobiliser plus d'acteurs privés, plus de sociétés privées dans la fourniture de biens publics va contribuer à introduire plus d'efficacité. Par conséquent, le message fort de ces nouveaux acteurs philanthropiques est qu'introduire des acteurs privés dans la fourniture de services va conduire à une meilleure optimisation des ressources. Vous entendez beaucoup cette expression d'optimisation des ressources. Mon argument, et c'est aussi celui d'une bonne partie des critiques de ce paradigme, est qu'il n'y a en fait pas beaucoup de preuves qu'introduire ces acteurs privés dans la fourniture de services conduise effectivement à un usage meilleur et plus efficace de l'argent public. De fait, c'est le contraire qui devient de plus en plus visible. Qu'en est-il du Global Health Initiatives, un programme de développement à l'échelle mondiale que la Fondation Gates et un bon nombre d'autres acteurs ont véritablement commencé à défendre au cours des années 90 et des années 2000, et qu'ils défendent encore aujourd'hui, un programme baptisé « Prêt par microfinancement ». Il s'agit d'aider les gens qui n'ont pas accès aux services bancaires standards en finançant à la fois des entités à but lucratif, d'autres à but non lucratif, de manière à proposer des services bancaires aux pauvres. Une initiative passionnante qui a été saluée comme une panacée potentielle en matière de lutte contre la pauvreté, avec l'idée d'une inclusion financière croissante. Now, this was hailed as a major transformative approach to. Eh bien, on a salué ici une approche qui transformerait en profondeur les choses, qui viserait à la réduction mondiale des inégalités de richesse, à sortir plus de gens de la pauvreté, ce qui a conduit bon nombre de gouvernements et d'acteurs privés à dépenser environ $1 milliard chaque année pour subventionner des entreprises afin qu'elles fournissent des solutions de prêt aux pauvres. Eventually, though, we realized. Mais en fin de compte, nous nous sommes aperçus que ces projets de microfinancement avaient été lancés sans preuve réelle de leur efficacité à sortir vraiment les gens de la pauvreté. Ils ont été déployés par la Fondation Gates, entre autres, comme un outil puissant et efficace, mais en réalité, personne n'avait effectué le travail nécessaire pour étudier leur efficacité. C'est ce qui a conduit quelques acteurs, quelques experts se trouvant aux États-Unis, à effectuer ce que l'on appelle des essais aléatoires de programmes de prêts par microfinancement, un peu comme les essais médicaux. Et ces expérimentations ont révélé que oui, dans certains cas, vous pouviez observer des gains marginaux à très très petite échelle pour le revenu disponible, pour des dépenses affectant la croissance économique et le développement. Mais qu'il n'y avait aucun élément de preuve démontrant que le microfinancement avait transformé les choses en matière de réduction de la pauvreté absolue ou d'allègement des inégalités économiques dans les régions où il a été déployé. À l'inverse, il y a des preuves solides que cela a conduit à davantage d'endettement, parce que souvent, certains des prêteurs proposaient leurs produits sur la base de taux d'intérêt non réglementés. Donc, dans certains cas, des organismes de microfinancement ont été subventionnés par des entités telles que la Fondation Gates et l'USAID, le programme de développement international de l'État fédéral américain, pour facturer aux destinataires des prêts à des taux d'intérêt de 100% sur une partie de l'argent qu'ils recevaient. Dans certaines situations, cela s'est transformé en fardeau. C'était une intervention contre-productive, mais les projets de microfinancement continuent toujours à attirer du financement et du soutien de la part des pays riches. Si vous êtes un contribuable dans un de ces pays riches, versant de l'aide au développement international directement à ces compagnies à but lucratif dans le sud ou le nord, je pense que vous avez un droit légitime à demander si dans une époque d'austérité croissante, cela a du sens que de payer des compagnies privées pour créer plus d'endettement chez les emprunteurs des régions les plus pauvres du monde. So the claim that microfinance was an effective tool at Eh bien, l'affirmation selon laquelle le microfinancement est un outil efficace pour sortir les gens de la pauvreté n'était pas vraie. Tout ce discours sur l'efficacité a d'une certaine manière créé plus d'ignorance quant à l'absence d'effets positifs sur le terrain. Donc, ce que je suggère pour des espaces tels que la Fondation Gates, ce n'est pas qu'ils cherchent activement à produire de l'ignorance publique sur les échecs des projets qu'ils soutiennent, mais qu'ils font circuler de manière sélective ce qu'ils jugent être des récits de réussite avant de reconnaître ou d'agir sur la base des éléments de preuve qui indiquent que leur domaine de priorité ne conduisent pas, en fait, à une réduction de la pauvreté chez les destinataires de ces aides prétendues. Hi, I'm Bill Gates. Bonjour, je suis Bill Gates. À travers la fondation que nous avons lancée avec ma femme Linda, nous essayons de faire vivre aux plus pauvres des vies en pleine santé et productives. Parce que, riche ou pauvre, nous pensons que chaque vie a autant de valeur. En matière de santé, on voit ce que coûte de sauver une vie ou d'éviter une maladie. Et il y a des choses qui coûtent très peu et qui ont un grand impact. Les vaccins entrent dans cette catégorie et sont vraiment incroyables. Les vaccins en grande quantité coûtent souvent moins d'un dollar. Et vu qu'ils sont distribués en grande quantité, le coût final est très faible et ils empêchent les enfants d'être atteints de maladies. Nous devons inventer de nouveaux vaccins contre le paludisme, la tuberculose, le sida et autres maladies. La science est la clé. Nous devons rendre les vaccins abordables et là encore, la générosité des donateurs est importante. Chacun doit jouer son rôle. One of the areas that in general people think Un des domaines en général auxquels les philanthropes ont accordé selon certains une attention disproportionnée est celui des maladies infectieuses. Par comparaison avec les maladies non contagieuses, chroniques, telles que l'obésité, de même que tout ce qui touche au cancer, tout ce qui touche aux affections cardiaques. Et ces dernières maladies pèsent d'un poids beaucoup plus lourd dans le monde entier que ce n'était le cas il y a 30 ans. De plus en plus, dans les régions en développement, ce ne sont pas des maladies telles que la malaria qui tuent le plus. Ce sont des choses liées aux infrastructures, telles que les accidents de la route, mais aussi les maladies liées au style de vie, l'obésité, les affections cardiaques, le diabète, dans des régions pauvres où il est plus facile de se procurer une canette de Coca-Cola qu'un fruit frais. Et là, c'est un gros problème, car la Fondation Gates dit être intéressée par la santé dans le monde, mais une grande partie de ses efforts se porte sur les maladies infectieuses, dont il est difficile de dire que ce sont celles qui pèsent le plus lourd pour ceux qui vivent dans de rudes conditions. Alors que nous savons à quel point le diabète et le cancer affectent également de plus en plus ces groupes. Donc, vous avez des organismes tels que la Fondation Gates, mais aussi l'OMS, qui est aussi responsable de négliger les maladies non contagieuses. Cela ne concerne pas que les acteurs philanthropiques. Et ces acteurs ignorent massivement le problème que posent aux individus les maladies liées au style de vie. En finançant une science qui a 100% de chances de réaliser des succès, même en apparence, les philanthrocapitalistes gagnent, en plus d'une défiscalisation passée sous silence, une réputation, une aura, qui peu à peu permet de nimber d'ignorance l'origine même de leur fortune, largement gagnée à coup de distorsion de concurrence, de moins-disance sociale, de guerre économique sauvage. Ils réalisent ainsi une sorte de production d'ignorance coup double que Lindsay McGoey explore. It's becoming more and more clear that Il devient de plus en plus évident que de claironner que vous faites don de votre argent, ou même d'une partie de votre argent, en particulier si ce sont de grosses sommes, est un outil très puissant pour produire de l'amnésie à de nombreux égards. Ce que je veux dire par amnésie, c'est que des générations de jeunes, aujourd'hui, dans le monde, vous direz qu'ils vénèrent sincèrement M. Gates, presque comme un saint. Quand j'ai commencé à enquêter sur la Fondation Gates, j'ai rencontré de nombreux chercheurs en santé mondiale et ils m'ont parlé d'un problème que dans le champ, on appelle l'effet de dissuasion Bill, le Bill Chill Effect. Cette expression signifie que les gens ont peur, au cas où ils offenseraient la Fondation Gates, de perdre la possibilité d'obtenir des subsides pour le compte des organisations nécessaires à la fourniture de services. Il est contre-productif de poser ces questions, car vous risquez de provoquer la censure ou le déplaisir de M. Gates lui-même. Or, j'ai raffiné mon analyse de l'étendue du Bill Chill Effect, car la Fondation Gates ne cherche pas forcément de manière draconienne à décourager ou masquer des critiques externes de son travail. Je pense qu'elle est assez ouverte à de nombreux égards. Mais je pense que cela crée un tabou très puissant qui contrarie l'expression de réserve à l'égard des organisations philanthropiques. Non en raison de l'effet de dissuasion, mais à cause de ce que ma collègue Darren Thiel et moi-même décrivons comme l'amour charismatique. Et par charismatic love, par quoi nous entendons le fait que la Fondation Gates tire son aura, son imperméabilité à la critique, de ce que ses actes sont associés à quelque chose qui est perçu comme bienfaisant et même sacré, y compris pour des esprits laïcs qui ne sont pas explicitement religieux, mais qui partagent une foi commune en la valeur de l'amélioration de la condition de l'humanité. Pour ces esprits, l'acte de don de Gates a une telle munificence que cela le fait presque apparaître comme surnaturel. Nous suggérons que c'est un acte associé à une sphère sacrée, y compris dans des sociétés séculières, qui fait respecter la charité comme quelque chose que nous souhaitons voir se refléter dans nos sphères familiales et notre mode de vie. Nous respectons la capacité au sacrifice et donc nous respectons la charité. Bien, mesdames, messieurs les ministres, je sais qu'il y a aussi la directrice générale de l'UNESCO, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, tant de personnalités que les citer toutes feraient presque un bottin de ce que le monde connaît de sommité à tout point de vue. Alors, je vais directement passer à l'enjeu même de cette cérémonie, c'est-à-dire cette remise des insignes de commandeur de la Légion d'honneur à deux personnalités exceptionnelles, Melinda et Bill Gates, qui nous ont fait l'amitié d'être ici, mais nous ont fait aussi l'amitié de vouloir travailler avec la France depuis des années pour permettre au monde d'être meilleur, ce qui est une vaste entreprise, bien plus vaste encore que celle que vous avez créée. The point I want to make, though, is that really, by setting up this foundation, Mr. Gates has sacrificed a lot. Mon argument est qu'en établissant cette fondation, M. Gates a sacrifié beaucoup de son temps, mais il n'a rien sacrifié de sa richesse personnelle. Il est aussi riche qu'il l'était il y a 20 ans. Il a créé une fondation qui permet de réaffecter une partie de son argent vers des fins charitables, mais cela n'a pas eu d'effet négatif sur sa capacité à mener sa vie luxueuse à sa guise. Si bien que c'est déjà une question que de savoir quelle est l'étendue de son sacrifice. Mais nous suggérons en outre qu'il est dangereux dans la vie d'immuniser certains individus contre la critique. C'est une forme de vénération, presque de culte des élites, qui conduit à un niveau de soumission presque féodal à l'égard d'une noblesse, une caste dominante, pour ainsi dire. Cela introduit le risque d'un capitalisme de caste que je définis comme la création dans la société de groupes différents qui sont des intouchables. Mais les intouchables aujourd'hui, c'est l'élite des mécènes qui se servent de leur argent pour s'affranchir des questions légitimes que soulève une forme d'économie basée sur la maximisation des profits. Avec toute cette petite armée de scientifiques qui traquent l'ignorance sous toutes ses formes, volontaire, accidentel, mécanique, et sur tous les champs de bataille. Est-on en droit d'espérer que le combat contre l'ignorance a des chances d'être gagné? Ou bien faut-il s'inquiéter de voir se multiplier ces nouvelles armes qui défient la raison? Fake news, vérité alternative, post-vérité. L'ignorance a-t-elle de beaux jours devant elle? C'est à Mathias Girel, philosophe, maître de conférences à l'École normale supérieure de Paris, que nous offrons le risque de répondre. Il me semble que si on confond la question de l'ignorance avec celle des fake news, on risque à la fois une confusion et au-delà un risque politique et un risque moral. Il n'est pas vrai, à mon sens, que le développement des fake news implique une détérioration des connaissances, car les deux réalités ne se situent pas au même niveau. La connaissance est entre autres choses une capacité à justifier ce que l'on affirme, ce que l'on avance, ce que l'on dit, et une capacité à produire de nouvelles connaissances sur la base de celles qu'on possède déjà, et éventuellement à prédire non seulement de nouvelles lois, mais aussi parfois de nouveaux objets, si on pense par exemple au boson de Higgs ou à d'autres entités dont l'existence a été prédite par la science, par la connaissance. Et si on prend au sérieux cette approche de la connaissance comme capacité, on voit que ce n'est certainement pas une question de possession d'informations instantanées et immédiatement périmées. Et donc je pense que c'est à cette confusion que nous expose toute la discussion sur les fake news. Et le danger, enfin, il est que tout le débat semble présupposer que ce qui vaut pour certains réseaux sociaux vaudrait au fond pour l'ensemble de nos vies, au point d'ouvrir une nouvelle ère, puisqu'on parle de l'ère de la post-vérité. Et il me semble que c'est là souscrire à ce que l'essayiste Yevgeny Morozov appelle l'internet-centrisme, c'est-à-dire la croyance selon laquelle tout problème humain a son expression sur Internet et en l'occurrence sur les réseaux sociaux. Or, il reste des pans entiers de nos vies qui ne s'inscrivent pas dans cet espace, dans ces espaces. Partager un moment en famille, en couple par exemple, partager une recherche dans un laboratoire, œuvrer ensemble dans une association, discuter avec ses élus et finalement croire que toutes nos vies seraient absorbées dans les réseaux sociaux, à supposer même qu'ils amplifient le faux au détriment du vrai, comme semblent le montrer des études récentes, notamment dans Science, ce sera accepté ce qui a tout d'un fantasme de la Silicon Valley. Et si nous n'y prêtons pas garde, nous risquons de souscrire au deuxième dogme de la Silicon Valley, qui serait cette fois le solutionnisme, c'est-à-dire l'idée que tout problème humain a un fixe, une solution technologique qui se trouve la plupart du temps être fournie par les grands acteurs de l'Internet, qui sera en l'occurrence des filtres ou un décodage automatique des fausses informations. Donc ça, ce serait un risque. Mais il me semble que le risque majeur, au fond, c'est de laisser croire que le phénomène manifesterait une réalité qui serait celle des masses, qui serait celle d'un peuple ignorant, crédule, qui serait lui aussi devenu indifférent au vrai. Et de ce point de vue-là, je pense que la question des fake news est un problème sérieux à examiner sérieusement, mais je ne suis pas sûr qu'elle ouvre une nouvelle ère. Financer la science, récolter l'ignorance, un documentaire de Franck Cuvelier avec la complicité scientifique de Mathias Girel, directeur des études du département philosophie, École normale supérieure de Paris. Avec Jean-Paul Tessonnière, avocat, Gaël Giraud, économiste en chef à l'Agence française du développement et directeur de recherche au CNRS, Mathias Pessiglione, chercheur en neurosciences à l'Institut de la moelle et du cerveau, Paris. Dominique Pestre, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Lindsay McGoe, sociologue à l'Université d'Essex, Royaume-Uni. Prise de son, Arthur Gerbeau, Yvan Charmy. Recherche INA, Linda Simon. Mixage, Alain Joubert. Coordination, Perrine Kervran, Marivonne Abolivier. Réalisation, Rafik Zénine.